Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous vous proposons un voyage dans le temps et dans l'espace, direction la Fourche au Manitoba, où des archéologues découvrent ce qui a probablement été un lieu de rencontre et d'échange majeur pour les Amérindiens. On y venait d'aussi loin que le sud des États-Unis et Marie-Claude Dionne va nous raconter quelles observations permettent d'arriver à de telles conclusions. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors, grosse nouvelle, en fait, qu'on a eue. C'est tombé cet été? Exactement. Ouais. Ce qui est le fun, c'est que rendu au mois d'octobre, septembre-octobre, les fouilles archéologiques terminent, on est en rétrospective et on met à jour tout ce qui a été découvert pendant l'été. Mm-hmm. Et donc, à la fin du mois d'août, le MCDP, donc le Musée canadien pour le droit de la personne, a fait la lumière sur les récentes fouilles archéologiques à la Fourche, au Manitoba, révélant ainsi de nouvelles informations de grande valeur scientifique, autant au point de vue historique qu'anthropologique. Pour mieux situer, peut-être, pour les gens qui ne savent pas où se trouve la Fourche au Manitoba, c'est en fait la confluence de deux rivières en plein milieu de la ville de Winnipeg, soit la rivière Rouge et la rivière Assiniboine. Mm-hmm. Et ce lieu est reconnu aujourd'hui parce qu'il a été le témoin de nombreux événements, et ce, sur une très longue période de temps. Ce lieu, au départ, est connu depuis longtemps. Tout d'abord, il y a l'explorateur canadien Pierre Gauthier de Varennes, seigneur de la Vérendrye. Au début du 18e siècle, vers les années 1730, passe par la Fourche et en fait un peu mention dans ses écrits. Et lui, il va partir un peu plus loin pour aller construire le Fort Rouge, qui est sur la rivière Rouge. Okay. Ensuite, on a, entre 1760 et 1820, la compagnie de l'abbé d'Outson, qui va utiliser la Fourche, l'endroit, comme un lieu d'entreposage pour la traite de la fourrure. Mais il y a plus de 4000 ans, la Fourche était déjà un lieu de rassemblement pour les Autochtones des environs. Mm-hmm. Il s'agirait même de la plus grande concentration de foyers sur un site archéologique au Canada. On en compte à peu près 191 foyers. Ah oui, c'est quand même notable, oui. Donc, on est situé là, on voit où est-ce qu'on est, à la Fourche. Mais qu'est-ce qu'on a découvert sur ces sites, dans ces 191 foyers? Mais tout d'abord, ces 191 foyers, c'est autant de traces d'utilisation de feu, autant pour cuire que pour se réchauffer ou s'éclairer. Sur un chantier de fouilles, on peut retrouver ces foyers-là ou les reconnaître, du moins, par la présence de charbon de bois. Ça peut être de la cendre, de la terre noircie par l'action du feu ou même un bon vieux cercle de pierre. Le site est longtemps perçu comme un simple lieu de passage, de petits commerces, de petits échanges, mais maintenant, cette hypothèse est remise en question, en fait, par le grand nombre de foyers qu'on a trouvés sur le site. Il pourrait en fait s'agir d'un lieu d'habitation saisonnière à long terme. Mais aussi, on a découvert beaucoup autre chose. Enfin, on a 5 nouveaux types de récipients que l'on ajoute à la typologie existante pour la région du Canada du Manitoba. Et qu'est-ce qu'on appelle typologie existante? La typologie, en fait, en archéologie, ça consiste à classer des vestiges archéologiques matériels selon leur ressemblance et leurs différences, et ensuite de les insérer dans un contexte spatio-temporel, un contexte vraiment géographiquement délimité et aussi historiquement. Dans le cas présent, les nouveaux types de vaisselle qu'on a découverts à la Fourche, ils sont des mélanges de types qu'on connaît déjà. Mm-hmm. Et cette variété va indiquer que le groupe, que différents groupes, en fait, proviennent la provenance, de partout. Parce qu'on sait, par exemple, que telle forme de vase ou telle forme de récipient avec peut-être telle couleur ou telle forme de dessin est associée à tel groupe, à tel endroit, c'est ça? Exactement. Okay. Et là, on voit des mélanges de différents groupes ethniques. Oui. À cet endroit-là. Okay, exactement. Mm-hmm. Donc, ça nous laisse à penser qu'il y a beaucoup de groupes qui étaient à cet endroit-là pour échanger, pour former des alliances, pour se marier. Ces nouveaux types représentent donc une période de changement culturel énorme. Et ce changement culturel-là peut être que réel que s'il y a une proximité avec d'autres unités culturelles. On a aussi trouvé un calumet cérémoniel dont le type représente des ressemblances à ceux qu'on retrouve plus au sud des États-Unis. On a aussi fait des analyses chimiques qui ont été menées sur la céramique qu'on a trouvée à la Fourche, et on a retrouvé des résidus de maïs et d'haricots. Ah oui. Et donc là, on parle d'agriculture. Oui. Puis on se dit que le maïs, ça pousse pas vraiment au Manitoba. Exactement. À l'origine. Exact. Fait que là, on a premièrement une théorie qui va valider la présence de l'agriculture le long de la rivière, mais aussi un réseau d'échange ultimement qui va apporter ce mince-là à la fourche. Et ça a quelle importance, une telle découverte? Mais donc, toutes ces découvertes-là, mises ensemble en quelque sorte, vont porter ou attestent un grand réseau d'échange. Précédemment dans l'histoire de la discipline archéologique, on voyait des réseaux d'échanges sur une plus petite taille, une plus petite échelle. On voyait donc ces réseaux-là comme se relayant l'un à l'autre pour faire voyager sur de longues distances un objet, de la nourriture, des commodités en fait. On peut maintenant croire qu'un territoire, ce réseau-là était beaucoup plus large que ce qu'on avait en tête avant. Juste par le grand nombre de foyers présents à la fourche, on réalise aussi que c'est un lieu qui était très achalandé. Ouais, c'était comme un rassemblement pan-continental, quasiment. Oui, exactement. Et la nouvelle typologie qui est présente sur le site démontre la présence de diverses communautés autochtones qui se côtoyaient à la fourche. On peut penser là, qu'ils venaient du Dakota du Nord et du Minnesota aussi. Ce grand réseau est aussi attesté par la présence du Calumet, qui proviendrait du sud des États-Unis. Ultimement, on doit aussi laisser une plus grande place à l'histoire et à la tradition orale, parce qu'en fait, les traditions orales du peuple qui se trouve à la fourche présentement, le peuple Anishinaabe, parle d'un vaste lieu de rencontre pacifique qui était utilisé il y a plus de 500 à 700 ans par, on dit, entre 7 et 11 groupes autochtones différents. Et là, maintenant, les archéologues peuvent affirmer que l'utilisation d'un tel lieu de rencontre correspondrait à la chronologie du site qu'on a à la fourche et pour expliquer la présence de certains objets et assemblages archéologiques. Et là, tu parles de tradition orale, donc des Amérindiens qui vivent en ce moment et qui ont donc gardé dans leur mémoire certains savoirs, certaines connaissances. Exact. Mais comment ces traditions contribuent à l'avancement des connaissances à l'archéologique? Comment on s'y fie? En fait, tout d'abord, la tradition orale, c'est une façon de préserver et aussi de transmettre l'histoire, son histoire. Elle peut prendre la forme de chansons, de ballades, ça peut être des proverbes, mais ça peut être aussi des contes. En archéologie, c'est une des sources de données qui est disponible à être utilisée, en fait. La plupart du temps, elle est ignorée comme témoin du passé, parce qu'au point de vue scientifique, elle n'est pas vraiment... Elle n'est pas gravée dans le bloc. Solide. Ouais, exactement. Dans le solide, ouais. Et dans une science comme l'archéologie, qui se doit d'être rigoureuse, on va tenir la tradition orale à l'écart. Mais en fait, la discipline archéologique tend de plus en plus, aujourd'hui, vers une approche interprétative sociale, donc d'incorporer tout ce qui est mythes et légendes. Sauf que d'un côté, on a encore un large groupe de gens, de chercheurs qui voient le monde d'une façon objective, qui vont chercher à connaître des explications ou avoir un raisonnement épistémologique versus d'autres qui vont mettre à l'avant l'intérêt social des interprétations. Le plus gros du débat est tenu par les archéologues qui étudient le passé des Amérindiens, des Autochtones, parce que c'est eux en ce moment qui ont une grande tradition orale avec eux. Et certains diront que le discours des Amérindiens à propos de leur passé ne tient que du mythe, qui peut pas être utile à la discipline. Et d'autres aussi vont plutôt pencher vers des schèmes d'explication hypothético-déductifs avec une base matérielle vraiment précise, une base environnementale aussi. Et au final, il faut jauger la part des deux, parce qu'ensemble, ils sont vraiment extraordinaires. Ils peuvent répondre à des questions. Ouais. En exemple, sur un site archéologique, si on connaît pas pourquoi on a deux objets ensemble, que pour nous, nous sommes un peu abstraits, mais c'est peut-être des contes qui vont pouvoir nous répondre. Mais ça demande quand même une bonne collaboration entre les archéologues et les autochtones. Est-ce que ça se passe bien, cette collaboration? C'est fragile en ce moment. C'est sûr que c'est des débuts. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on va voir les archéologues vraiment se pencher sur la question des Autochtones, autant que le contraire, ou que les Amérindiens vont être intéressés à l'archéologie et vouloir aussi se l'approprier. Et dans la même lignée, on va retrouver l'Institut Avatak, qui offre divers programmes pour soutenir et protéger la culture inuite. Puis l'Institut propose un programme en archéologie qui initie, entre autres, des étudiants inuits sur des sites archéologiques et aussi à la discipline archéologique. Ah, c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste que les Blancs regardent l'archéologie inuite, mais aussi que les Inuits aussi participent à retrouver leur passé ou à le faire parler aussi, leur passé. Exactement, c'est ça, parce qu'ils doivent être incorporés dans ce discours-là. Puis on peut se demander d'ailleurs si avec l'occidentalisation, la sédentarisation aussi, qui a quand même pas mal modifié le mode de vie des autochtones. Si la tradition orale ne va pas se perdre, peut-être qu'avant, pendant leur mode de vie, ils savaient qu'il fallait aller à tel endroit pour trouver ça ou qu'il y avait telle chose à tel moment, mais ça va peut-être se perdre. Donc, c'est peut-être le temps d'aller collaborer avec eux. C'est maintenant, c'est ça. Exactement. C'est fort intéressant. Je te remercie beaucoup, Marie-Claude. Merci, peut-être Valérie. Que tu nous parleras bientôt, d'ailleurs, de l'archéologie inouïe. Ce serait un beau sujet. Oui, certainement. La prochaine fois, ça d'accord. sera fait. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Alors, on va passer en pause musicale sur CKRL. Et au retour, on va revenir sur Terre. On y était sur Terre, mais on va revenir à Québec. Mais on va plonger dans les égouts cette fois-ci, une autre aventure.